Sûr, faut que je chante mon obadalidi. Au Malidi, tu hantes mes rues de rêve au lit. Dis-tu me séduisante, riant de mes ridis. Culeuse et vaine tenta qui veut de conciliation avec tes tantes, ah, qui veut à te marier avec un marchand de tapis et à Tunis. Ainsi chantait un Italien pisant contre les murs d'un palais de Florence, car ce palais abritait justement la fleur d'amour qui le mettait en transe. Napolitaine aux yeux de firmament, maman m'a dit que c'était plutôt rare. Ben si c'est rare, j'aime mieux les yeux rares de Lydia que le curare de Lucrèce Borgia. Sur fond que je chante mon obadalidi. Au Malidi, tu hantes mes rues de rêve au lit. Dis-tu me séduisante, riant de mes ridis. Culeuse et vaine tenta qui veut de conciliation avec tes tantes, active à te marier. Et avec un marchand de tapis et à Tunis. V'là qu'il a dit aux maladies deux fois, mais ça l'a dit et sourde à ses salades d'orange, dit-elle en entrant sous son toit. Au petit matin, après une escapade, elle se dévêt en dansant avec grâce, sans remarquer qu'un vieux voyeur en face fait glotte-glotte avec sa glotte qui tressonne lorsque sort la culotte que l'idiote. Sur faut que je chante mon obadalidi. Au Malidi, tu hantes mes rues de rêve au lit. Dis-tu me séduisante, riant de mes ridis. Culeuse et vaine tenta qui veut de conciliation avec tes tantes, active à te marier avec un marchand de tapis et à Tunis. Les tant d'anomalies lui dire vilain menteur, tu nous salis. C'est vrai que c'est faux de croire que les tentacules leur nièce à cet union ridicule. Qui donc lui a mis cette idée en tête? Ne serait-ce point le marchand de carpettes? Si c'est ici que le sadique s'y dit, lui dit qu'il a dit si et lui dit aussi. Sur faut que je chante mon obadalidi. Au Malidi, tu hantes mes rues de rêve au lit. Dis-tu me séduisante, riant de mes ridis. Culeuse et belle tentative de conciliation